FrenchPod.com. Où étiez-vous hier soir ? Au théâtre avec des amis. Quel théâtre ? La Comédie Française. Qu'est-ce que vous avez vu ? Une pièce de Molière. Quelle pièce ? Roméo et Juliette. J'espère que vous avez un bon avocat.